grand-père. C'est Oli. O-L-I. Oui. La Bibli des petits. Je suis pas petit. Je suis grand. Bonjour, je suis Agnès Martin-Lugan et je vais vous raconter l'histoire du voleur de sapin. Il était une fois un village niché au cœur d'une forêt. De tous les villages aux alentours, c'était bien le plus joli. Il faut dire qu'hiver comme été, les habitants rivalisaient d'ingéniosité pour le décorer. Et quand arrivait décembre et que les toits se recouvraient de neige, le village ressemblait à s'y méprendre à celui du Père Noël. Les maisons étaient si douillettes que les enfants devaient forcément adorer s'y retrouver pour boire un chocolat chaud près de la cheminée et se raconter des histoires. Néanmoins, cela n'arrivait jamais. Dans ce village, on ne s'invitait pas entre voisins. Chacun restait dans son coin. Quand les villageois se croisaient dans la rue, c'est à peine s'ils se marmonnaient un vague « Bonjour voisin ». Pour quelle étrange raison se comportait-il ainsi? Parce qu'à force de vouloir la plus belle maison, le plus beau jardin, la plus belle décoration, ils étaient devenus ennemis et se jalousaient les uns les autres. Il fallait les voir se surveiller, cachés derrière leurs rideaux. Dans la cour de l'école, les enfants en parlaient souvent. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient jamais se voir en dehors de la classe, ni pourquoi chez eux c'était si triste. Plus Noël approchait, plus le village se décorait et plus l'atmosphère devenait sinistre. Pourtant, les enfants savaient bien que dans les villages aux alentours, ce n'était pas comme ça. Là-bas, les rues étaient pleines de rire et de bonne humeur. Les enfants jouaient pendant que leurs parents discutaient. Bref, ils partageaient de bons moments tous ensemble. Un soir, deux frères regardaient des dessins animés de Noël. En voyant ces images joyeuses, César, le plus jeune, renifla tristement et alla dire à ses parents « Je veux un Noël comme à la télé. Regardez comme les gens ont l'air contents, il y a plein de monde !» Sa maman lui caressa doucement la joue. « Mon trésor, notre maison est aussi bien décorée que dans ton film, et notre sapin est même plus grand que le leur. On s'en fiche d'avoir la plus belle maison !» rétorqua Gabriel, le grand frère de César. « Nous, ce qu'on veut, c'est être avec les autres !» César se tourna vers son papa et lui demanda « Papa, toi qui connais tout le monde ici, tu ne veux pas leur parler ?» En tant que serrurier, le papa de César et Gabriel était quelqu'un d'important dans le village. Avec le boulanger, il était le seul à discuter avec tous les habitants. « Je leur ai déjà demandé de faire un effort, mon grand. Ça n'a pas marché. » Les deux garçons étaient si contrariés qu'ils partirent se coucher en ronchonnant. Ils ne souhaitèrent même pas bonne nuit à leurs parents. La maman haussa les épaules, d'un air de dire que l'on n'y pouvait rien et que ça passerait. Le papa se leva de son fauteuil et s'approcha du magnifique sapin en soupirant tristement. Si seulement les villageois voulaient bien l'écouter. Quelques jours plus tard, César et Gabriel revinrent de l'école affolés. Le sapin d'un de leurs copains avait disparu dans la nuit. La veille, au moment d'aller se coucher, le sapin était là, clignotant de toutes ses guirlandes. Mais le lendemain matin, plus de sapin. Plus de décorations de Noël, le salon était vide. Et durant chaque nuit qui suivit jusqu'aux vacances, un sapin, parfois même plusieurs, disparut mystérieusement. Au début, forcément, tous les parents se regardaient méchamment. On ne se marmonnait même plus bonjour. On redoubla de vigilance, on ferma les portes à triple tour. Mais plus le temps passait, plus les sapins disparaissaient. Les habitants devaient se rendre à l'évidence. Le coupable ne venait pas du village. Un voleur de sapins sévissait. La maison de César et Gabriel ne fut pas épargnée. Un comble quand on a un papa serrurier. En découvrant que leur arbre décoré n'était plus dans le salon, César se mit à pleurer. Sans sapin, le Père Noël n'a plus d'endroit où déposer les cadeaux. Ne t'inquiète pas, mon chéri. Le Père Noël peut toujours les laisser près de la cheminée, le consola sa maman. César tapa du pied. Non ! Il faut un nouveau sapin, aujourd'hui. Son papa s'approcha, s'accroupit près de lui et posa ses grandes mains sur ses petites épaules. Non, César, ce n'est pas possible, je suis désolée. Et puis, le plus important à Noël, c'est d'être ensemble, non? Je te promets qu'avec ou sans sapin, nous nous amuserons bien. Puisque c'est comme ça, il n'y a plus de Noël, cria le petit garçon. Sur le chemin de l'école, Gabriel essaya de remonter le moral de César. « On va quand même fêter Noël avec papa et maman et je suis sûre que tu auras tes cadeaux. »« C'est pourri !» lui répondit César en shootant dans une pierre. L'aîné ne trouva rien à lui répondre. Au fond, il était d'accord avec son frère. Tout à coup, des bruits inhabituels, comme des bruits de conversation, les sortirent de leur cafard. Ils relevèrent le nez et observèrent autour d'eux. Ils s'arrêtèrent net. Chose incroyable, les gens se parlaient et se demandaient des nouvelles des sapins et des décorations. Chez vous aussi ? Oui, il a frappé cette nuit. Vous avez une idée de ce qui se passe ? Non, mais faites bien attention à vous. Vous aussi. Si on découvre quelque chose, on vous tient au courant. Les voisins s'inquiétaient soudain les uns pour les autres. De mémoire de villageois, on n'avait jamais vu ça. Quand les vacances débutèrent, il ne resta plus un sapin, plus une décoration nulle part. Mais à force de se demander qui était ce drôle de voleur qui ne cassait rien et ne volait que des sapins, on en oublia de se regarder méchamment. Le soir du réveillon, le papa et la maman de César et Gabriel, comme tous les papas et les mamans du village, firent tout ce qu'ils pouvaient pour semer la joie dans la maison. Mais malgré le bon pain d'épices, les charades de Noël et tous leurs efforts déployés, César et Gabriel faisaient toujours grise mine. Ils n'eurent même pas le cœur d'ouvrir la dernière case de leur calendrier de l'Avent. Un Noël sans sapin, ce n'était plus Noël. Les deux frères montèrent se coucher avant l'heure et sans l'excitation qui précède habituellement le passage du Père Noël. Le matin de Noël, César ouvrit les yeux aux aurores. Le cœur gros, il descendit au salon. Sa maman avait raison. Même sans sapin, le Père Noël était bien passé. Mais César s'en moquait. Traînant les pieds, il alla à la fenêtre et regarda dans la rue enneigée. César se frotta les yeux. Une fois, deux fois, trois fois, il ne rêvait pas. Une allée de sapins illuminés conduisait à la place du village. Il y en avait de toutes les tailles. Des petits, des grands, des maigrichons, des touffus. Papa, maman, Gabriel, les sapins, les sapins! Ni une ni deux, tous les quatre enfilèrent bottes, manteaux, écharpes et bonnets par-dessus les pyjamas et s'aventurèrent dehors. Tous les voisins se rejoignirent dans la rue et chaque famille retrouva son sapin. Seulement, le voleur de sapins s'était amusé à mélanger toutes les décorations. Les parents et les enfants du village marchèrent d'un même pas vers la place où trônait le plus beau, le plus majestueux des sapins qu'on avait jamais vu. Les enfants se mirent à courir tout autour en poussant des cris de joie et des hurrahs. Les adultes échangèrent des regards surpris, ne sachant comment réagir. Et puis la magie de Noël opéra. Ils tombèrent dans les bras les uns des autres. Le bonheur d'être ensemble et cette surprise magique surpassaient les vieilles rancœurs et les vieilles rivalités. Les villageois qui avaient passé tant de temps renfermés sur eux ne voulaient plus se séparer. Les minutes, puis les heures passèrent sans que personne ne songe à quitter la place. Délaissant une bataille de boules de neige avec son frère et ses copains, César partit à la recherche de ses parents. « Maman, où est papa ?» lui demanda-t-il. « Il faut que je lui dise que c'est le meilleur Noël de tous les temps. »« Je ne sais pas, mon trésor. Il doit sans doute être en train de discuter avec le boulanger. » César chercha de tous les côtés, sans le trouver. Il remonta la rue, puis arpenta le village. Partout où il passait, il n'en revenait toujours pas de voir les voisins rire entre eux. Mais son papa restait introuvable. César finit par arriver jusqu'à leur maison. « Papa, t'es là ? Papa ?» Un ronflement digne du plus gros des ours lui répondit. Sur la pointe des pieds, César avança jusqu'au salon. Il découvrit son papa profondément endormi dans son fauteuil. L'air épuisé, mais heureux. Il s'approcha à pas de loup et ouvrit des yeux ronds. Des fils de guirlandes dorées étaient coincés dans ses cheveux. Et de la poche de son pantalon dépassait sa clé magique. Celle qui lui permettait d'entrer partout, dans toutes les maisons. Et c'est ainsi que, grâce aux vœux des enfants et grâce au papa de César, les habitants découvrirent le bonheur d'être ensemble. En ce jour de Noël, c'était bien ça le plus important. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit. Non, une autre. Au lit, c'est aussi une collection de livres illustrés à retrouver en librairie.